Hommage à Liliane Bettencourt. La belle histoire de L'Oréal. Paru dans lundi matin 115 le 25 septembre 2017. En ce jour d'immense tristesse, nous nous permettons de reproduire ce joli hommage intitulé « Tous se tiennent », rédigé par Philippe Castellin et paru dans la revue Pli numéro 3 en 2014. Tous se tiennent. En 1907, alors qu'Einstein invente la relativité et que Picasso peint ses demoiselles, Eugène Schuller, jeune brillant chimiste français d'origine alsacienne, conçoit une formule permettant de teindre les cheveux. Du nom d'une coiffure féminine, alors à la mode, et rappelant une auréole, il la baptise L'Oréal. Et, pour pénétrer le marché de la grande consommation, il acquiert la Société des Savons Français, plus connue sous le nom de sa marque, Mon Savon. C'est ainsi qu'en 1936, L'Oréal devient une SARL et que Eugène Schuller, devenu riche, peut investir dans la formation d'un groupe d'extrême droite nommé Comité secret d'action révolutionnaire, mais plus connu sous le nom de Cagoule, groupe dont André Bettencourt fait partie et qui se réunit au siège de L'Oréal. Pendant l'occupation, André Bettencourt dirige La Terre française, revue collaborationniste, et en 1942, Eugène Schuller envoie à André Bettencourt, envoie André Bettencourt en Suisse afin d'arianiser la société Nestlé, dont il est devenu l'un des principaux actionnaires. Après la guerre, la filiale de L'Oréal en Espagne est créée par Henri Deloncle, le frère de Gênes. Elle emploie le cagoulard Jean Filiol, condamné en tant que co-responsable du massacre d'Oradour-sur-Glane, qui échappe ainsi à l'exécution de sa peine et engage, par ailleurs, François Mitterrand comme directeur général du magazine Votre Beauté dédié à la promotion des produits L'Oréal, car tout se tient. Voilà, c'était un joli poème réédité, puisqu'il avait auparavant été édité dans la revue Pli, PLI, la numéro 3 en 2014, et qui vient d'être réédité par Lundi Matin sur le site lundi.am dans son numéro 115 le 25 septembre 2017. Et c'était évidemment un hommage à Liliane Bettencourt.